vaisselle, dans mes chaussures, entre mes cuisses, dans ma raie du cul. En fonction des efforts que je fais, bien sûr sur un des pores, ma peau y adhère ou imprègne mes vêtements. C'est le bête des bactéries qui s'y développent, se nourrissant de mes déchets, ça pue. Dès qu'elle gère ma transpiration, pourtant je n'arrête pas mes mouvements. Il est nécessaire que je me déplace, que j'occupe la place que m'a laissée la société. Même si je cessais toute activité, laissant mon poste, j'en fiche les microbes. J'y reste encore sur mon corps, il ne quitte mes pas pour autant. Pourtant, aussi dois-je avancer malgré la sueur sécrétée. Ainsi, tu es condamné à dégager jusqu'à ma mort des odeurs nauséabondes que les déodorants ne font que déformer.